يا الله المستعان. C'est ça. J'avais pas remarqué, j'avais oublié de partir l'enregistrement, donc si vous m'excusez, yani, on recommence. Donc, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Donc, on commence le numéro 16, hein, le cours numéro 16 aujourd'hui, dans l'explication de Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Kubra de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, avec les commentaires de Cheikh Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan, qui s'intitule Al-Ta'liqat Al-Tawdihiyya ala Muqaddimat Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Donc, on a lu au dernier cours et dans les cours précédents, yani les preuves du Coran et de la Sunna au sujet du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône, au-dessus de sa création, hein, et on a appliqué, on a plutôt parlé de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, de Al-Istiwa, et on a parlé du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, c'est qu'il est Al-Ali et qu'il est Al-A'la, c'est-à-dire le haut, le très haut, le plus haut, et qu'il est au-dessus de toutes choses. Et donc, parmi ces attributs, il y a Al-Ulu, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de toutes choses. Donc, on a mentionné les preuves du Coran et de la Sunna, ou bien quelques preuves du Coran et de la Sunna à ce sujet-là, parce qu'il y en a plus que ça encore. Et maintenant qu'on a terminé donc de citer quelques exemples, le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il va maintenant commencer à citer les paroles des salafs salih et des imams et des ulama de l'islam. Donc, avant de rentrer dans les citations qu'il va donner par la suite, il fait une petite introduction sur la méthodologie des gens de bid'a pour réfuter leur fondement encore une fois. Puis, il va commencer par la suite citer les paroles des ulama, et les paroles des salaf. Mais c'est pas tout de suite les citations, ça va être dans quelques cours encore. Avant ça, comme je disais, il y a encore des clarifications et des réfutations des principes et des fondements des mubtadi'a en premier. Donc, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit: Thumma عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن هؤلاء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. Donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il explique maintenant un point, et il commence à expliquer que il y a des paroles des salaf à ce sujet-là, hein, et que si on les rassemblait toutes, si on rassemblait toutes les paroles des salaf au sujet de l'affirmation des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on finirait par obtenir yani, des centaines et même atteindre des milliers de citations. Et il dit, et il n'y a pas dans le livre d'Allah, ni dans la sunna du messager, ni dans les paroles d'aucun d'entre les salafs de cette umma, parmi les sahaba, ni parmi les tabi'in, et ni parmi les imams de la religion, ceux qui ont yani, été présents à l'époque de ces salafs, hein, ou ceux qui ont parmi les salafs atteint ou connu la période des divergences, hein, lorsque les divergences sont apparues, il n'y en a pas un seul d'entre tous ces imams qui ont dit une seule lettre qui pourrait contredire ce qui a été affirmé dans les preuves qu'on a mentionnées du Coran et de la Sunna, ni dans les textes qui sont des textes clairs et explicites qui ne peuvent avoir qu'un seul sens, ni dans qu'est-ce qui est apparent. Hein, qu'est-ce qui est apparent et clair. Et qui, yani, donc, ça c'est les explications, qu'est-ce que Cheikh l'Islam il mentionne. Il dit qu'il n'y a pas une parole des salafs, pas trouvée ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans la parole d'aucun d'entre les salafs, que ce soit les sahaba, les tabi'in ou les imams de la religion, ceux qui sont venus après, qui ont connu ou qui ont rencontré certaines de ces divergences qui sont apparues par la suite de la part des gens de bid'ah. Eh bien, il n'y en a pas une lettre que tu peux trouver de ceux-là qui vient en contradiction avec ce qui est rapporté à ce sujet-là dans les textes apparents et clairs de la révélation. Et Cheikh Al-Fawzan, il clarifie ça et il explique et il dit « Kalam al-ulama alladhina yasifuna Allah bil-ulwi wal-istiwa'i kathir law jumi'a la balagha al-mujalladat la balagha al-mujalladat al-dakhma min kalam ahli al-ilm salafan wa khalafan وقد ألف الإمام ابن القيم كتابا في هذا الموضوع سماه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية وهذا إجماع قطعي من أهل العلم على إثبات العلو والاستواء لله وإجماع حجة والإجماع حجة قاطعة وليس هناك إمام معتبر جاء عنه حرف واحد يخالف هذه العقيدة. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit que les paroles des ulama qui décrivent Allah subhanahu wa ta'ala et qui le décrivent par les attributs qu'il s'est mentionné pour lui-même, comme le fait qu'il a al-ulu, c'est-à-dire qu'il est élevé, qu'il est au-dessus de tout, ou bien al-istiwa, le fait qu'il est élevé sur le trône, hein, eh bien, il y a beaucoup de citations et beaucoup de paroles, hein, des salafs à ce sujet-là et des ulama. Et si on les rassemblait toutes, eh bien, ça composerait des gros volumes, en fait. Si on les réunissait toutes ensemble, eh bien, ça composerait des gros volumes des paroles des imams et des hommes de science, parmi les salafs et même parmi les khalafs aussi qui sont venus par la suite, hein, qui ont affirmé aussi ces attributs-là parmi eux. Donc, il y a même des savants comme l'imam Ibn Qayyim Al-Jawziya qui a rassemblé dans un livre des citations des salafs sur ce sujet-là seulement, comme par exemple un livre qu'il a nommé Ijtima' al-Juyush al-Islamiyya ala Ghazw al-Mu'attilati wal-Jahmiyya. Et ça, c'est un livre, si on traduit le titre, qu'est-ce que ça signifie en français? Ça veut dire le rassemblement des armées islamiques pour faire la guerre aux Mu'attila et aux Jahmiyya. Hein? Et il n'y a pas de doute que ici on parle d'une armée, et l'armée dont il s'agit, bien entendu, c'est l'armée des ulama de Ahl Sunnah, à partir depuis l'époque des salafs jusqu'à l'époque de l'imam Ibn al-Qayyim. Il mentionne tous les imams de l'islam qui ont affirmé les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala avec leurs citations, et c'est un livre qui est très très fort, très très clair, qui est rempli de preuves et de citations et d'exemples et de clarifications, mashallah. Donc c'est un livre très très bénéfique. Et le cheikh, il dit que ça c'est une ijma dans le sens que c'est un consensus, hein, et il est certain, ce consensus là il n'y a pas de doute à son sujet. Et donc c'est la preuve que tous les hommes de science sont réunis sur le fait d'affirmer al-ulou et d'affirmer al-istiwa pour Allah subhanahu wa ta'ala, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création et qu'il est élevé par-dessus son trône. Et ça c'est un ijma, c'est un consensus, et le consensus dans l'islam c'est une preuve tranchante. Et il dit qu'il n'y a pas un seul imam reconnu et qui est considéré dans l'islam qui est venu avec une seule lettre qui pourrait contredire cette aqidah. Ensuite, Cheikh Ibn Taymiyyah il dit وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ قَطْ إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ فِي السَّمَاءِ ولا أنه ليس على العرش ولا أنه بذاته في كل مكان ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit, il y a aucun d'entre eux, c'est-à-dire aucun d'entre les salafs et aucun d'entre les imams de l'islam qui a dit que Allah n'est pas dans les cieux, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas dans les cieux. Il y a personne qui a dit ça parmi eux. Il y a jamais personne qui a nié ça. Et il n'y a jamais personne non plus qui a dit Allah n'est pas sur le trône. Personne parmi les salafs ou parmi les ulama de l'islam, les grands imams de l'islam, qui aurait dit qu'Allah n'est pas sur son trône. Et il n'y en a aucun non plus parmi eux qui aurait dit que Allah, par son être, est en chaque endroit ou partout. Il n'y a personne qui a dit ça parmi les hommes de science. Et non plus, il n'y en a aucun qui aurait dit que tous les endroits et tous les lieux sont égaux pour lui, ou sont pareils pour lui. Le Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire sur chacun de ces points-là. Donc, il dit au sujet du fait que aucun d'entre les imams n'a dit que Allah n'est pas sur son trône. Le Cheikh, il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit, ولم ينفي أحد من الأئمة المعتبرين علو الله على خلقه أو استواءه على عرشه بل كتبهم كلها مجمعة على إثبات ذلك. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit aucun d'entre les imams considérés dans l'islam n'a nié le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit élevé au-dessus de sa création et qu'il soit élevé sur son trône. En fait, tous leurs livres sont tous réunis sur le fait d'affirmer cela. Ça c'est à propos de ce point-là. Le point suivant, lorsqu'il dit, ou bien il n'y en a aucun d'entre eux qui aurait dit que par son être, il est en tout lieu et en toute chose et partout, en tout endroit. Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, كما تقوله الحلولية الحلولية حيث يقولون إن الله في كل مكان حتى إنهم لا ينزهونه عن الحشوش ودورات المياه والمواضع القذرة تعالى الله عما يقولون بل منهم طائفة يقولون إنه حال في الأشخاص. Donc le Cheikh il explique, il dit il y en a, contrairement hein, comme ou bien plutôt il dit il y a personne d'entre les salafs qui a dit que Allah serait partout avec son être par son être en tout lieu en toute chose. Comme le disent les Haloulia, Al-Haloulia. Al-Haloulia, parmi les Jahmiya, et il y en a parmi les Soufia aussi qui ont cette aqidah, qu'ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala est partout, et que Allah subhanahu wa ta'ala est en toutes choses. Et ils ne vont même pas purifier Allah subhanahu wa ta'ala des endroits sales comme les toilettes ou les endroits où les gens vont faire leurs besoins, les endroits sales. Donc ils ne vont même pas purifier Allah subhanahu wa ta'ala de ce genre d'endroits-là. Et ils disent, même un groupe d'entre eux disent même que Allah subhanahu wa ta'ala est présent à l'intérieur même des personnes, et qu'il est dans certaines personnes. Donc ça c'est l'exemple des paroles des gens de Haloulia, et on trouve cette aqidah-là beaucoup aujourd'hui chez les soufis. Et même certains d'entre eux, quand je leur ai demandé même en personne, certains d'entre les soufis que j'ai rencontrés, j'ai parlé avec eux, et je leur ai dit, est-ce que vous dites que Allah subhanahu wa ta'ala est même dans les toilettes, ou même dans les porcs, et dans les cochons, et les animaux sales, et des choses comme ça? Et il me regarde et il me fait un sourire, parce qu'il réalise qu'il est en train de dire quelque chose de grave, ou bien qu'il est en train d'impliquer quelque chose de grave et il n'ose pas le dire, mais il me fait un sourire. Yani pour dire que c'est des gens qui sont capables de dire ça aussi, mais ils n'osent pas. Bien entendu, devant les gens, parfois ils n'oseraient pas le dire, mais entre eux, quand ils sont seuls, les soufis, ils vont dire ça. Allah al-musta'an. Même certains d'entre eux, parmi les soufis, ils disent, par exemple, quand ils vont faire des rapports intimes avec leurs femmes, ils s'imaginent qu'ils sont en train de faire des relations intimes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah. Donc c'est pour dire comment ces gens-là, ils considèrent, ils pensent que tout est Allah, que Allah est dans toutes choses et qu'il est partout. Et ça, c'est le shirk, il n'y a pas de doute là-dessus. Et il donne l'autre exemple aussi. Wala anna jami' al-amkina bin nisbati ilayhi sawa. Et il ne disait pas, c'est-à-dire les salafs et les ulama de l'islam, les grands imams de l'islam, aucun d'entre eux n'a jamais dit que, aucun d'entre eux n'a dit que, par exemple, tous les lieux et toutes les places pour lui sont égales, sont pareilles. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, comme le disent les gens de Haloulia. Al-Haloulia, il dit le Cheikh, كما تقول الحلولية لا فرق عندهم بين البحر والعرش كله سوى ولا يختص العرش بشيء كلها مخلوقات ولا ميزة لبعضها على بعض والله في كل مكان منها وهو في السماء وهو على العرش وهو على البحر وهو في الأرض وهو في كل مكان تعالى الله عما يقولون والحق أنه فوق العرش عالم على الخلق وعلمه في كل مكان كما قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير نعم دونك نعم وقال عز وجل إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء نعم دونك الشيخ il explique il dit que ça c'est la parole des Haloulia encore une fois c'est la parole des Haloulia يعني ceux qui disent il y a pas de différence entre la mer ou l'océan et le tronc. Yani, toutes ces choses-là, pour eux, sont pareilles. Et il n'y a rien de particulier, il n'y a rien qui est spécifique au tronc. Toutes les créatures sont pareilles. Et il n'y en a aucune qui se distingue ou qui a une particularité par rapport à d'autres. Et ils disent que Allah est en toutes choses. Et qu'il est dans les cieux. Non, ils disent qu'il est partout. Donc, il est dans les cieux, il est sur le trône, il est sur la mer, il est dans la terre, il est dans toutes choses. Il est dans toutes choses et il est partout. Donc, que Allah subhanahu wa ta'ala soit exalté et purifié de ce que ces gens-là lui attribuent. Et la vérité, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est sur le trône, au-dessus de sa création. Et que sa science est en toute chose. Comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 4, dans Surat Al-Hadid, il dit, c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est élevé sur le trône. Il sait ce qui entre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et il est avec vous où que vous soyez. Et Allah est certes, et Allah est certes clairvoyant de ce que vous faites. Et quand il dit et il est avec vous où que vous soyez, c'est-à-dire par sa science, par sa science, et non pas qu'il est avec vous dans le sens qu'il est à l'intérieur de vos personnes, à l'intérieur de toutes choses, dans les toilettes ou dans les cochons ou dans les êtres humains ou dans les animaux ou dans les saletés ou des choses comme ça. Subhanallah. Donc ça c'est la parole des gens, il y en a parmi les Haloulis, on les appelle les Soufiyas, parmi les Jahmiyas ou bien les Soufiyas aussi qui ont cette Aqidah. Et il mentionne un autre verset aussi, le verset 5 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien dans les cieux ou sur la, ni, dans les, ni sur la terre qui il n'y a rien sur la terre ni dans les cieux qui lui échappe. Hein? Il n'y a rien dans les cieux, sur la terre ou dans les cieux qui lui échappe. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama. Ensuite, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, il n'y en a pas aucun d'entre les imams des salafs et parmi les imams de la religion de l'islam, parmi les grands savants, qui aurait dit, par exemple, que Allah n'est pas à l'intérieur du monde, ni à l'extérieur du monde, ni rattaché au monde, ni séparé du monde, et qu'il ne serait pas permis d'indiquer sa direction avec le doigt, hein, d'indiquer, réellement une direction par notre doigt pour indiquer Allah subhanahu wa ta'ala et où il est, et des choses de ce genre. Donc il n'y a aucun d'entre les salafs qui ont nié ces choses-là. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, quand Cheikh Al-Islam a dit et aucun d'entre eux n'a nié que Allah est à l'intérieur du monde ou à l'extérieur du monde ou relié au monde ou séparé du monde, Cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet-là, كما تقوله المعطلة الذين يقولون ليس له مكان لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمنة ولا يسرى. Donc ça c'est ceux qui disent ça, ils disent par exemple comme c'est les معطلة. Les معطلة c'est les gens qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et ils disent Allah n'a pas de lieu ou n'a pas d'endroit. Hein, ça vous l'entendez souvent chez les Ahbash aussi. Chez les Ahbash, ils font partie des Mu'attila, hein, ils font partie des gens qui nient les attributs d'Allah, puisqu'ils disent Allah n'a pas d'endroit, n'a pas d'espace, il n'est pas à l'intérieur du monde, il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas au-dessus, il n'est pas en dessous, il n'est pas à gauche, il n'est pas à droite. Donc ils nient l'existence même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent aussi, il n'est pas rattaché, il n'est pas séparé du monde. Il dit, bal yaqul ahl sunnati, inna Allah min fi jihati al-ulu, ba'inun min khalqihi. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, mais il dit, les gens de ahl sunnah, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala est dans la direction du haut, c'est-à-dire il est au-dessus. Et ils disent qu'il est séparé de sa création. Ça, c'est les paroles des salafs à ce sujet-là. Et c'est supporté par les preuves du Coran et de la Sunna. Hein, que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création et qu'il est en haut de sa création et qu'il est séparé de sa création. Il n'est pas en sa création et sa création n'est pas en lui. Il n'y a rien de la création en Allah et il n'y a rien d'Allah dans sa création. Les deux sont séparés. Ensuite, Cheikh l'Islam, il dit, نعم, ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع ونحوها, بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول ألا هل بلغت, فيقولون نعم, فيرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة وأمثال ذلك كثير. Donc Cheikh l'Islam, il dit, et aucun d'entre les imams et aucun d'entre les salafs n'a nié que il était permis d'indiquer, hein, Allah subhanahu wa ta'ala sa direction, où est-ce qu'il est par le doigt, et ainsi de suite. Même que cela a été affirmé de façon authentique dans Sahih al-Bukhari, dans le Sahih selon Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait la khutbah, la grande khutbah qu'il a donnée le jour de Arafat, hein, et il était devant le plus grand assemblée qu'il a jamais, dans lequel il n'a jamais été présent, c'est-à-dire le plus grand assemblée, le plus grand rassemblement de musulmans, hein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a assisté ou a, yani, qu'il a vu, c'était ce jour-là, le jour du Hajj d'adieu, le dernier Hajj, hein, le jour de Arafah, lorsqu'il a fait son serment d'adieu. Il a dit, hein, et il disait, est-ce que j'ai transmis le message? Et les Sahaba disaient oui. Alors il levait son doigt vers le ciel et il le retournait vers eux. Et il disait, oh Allah, témoigne, oh Allah, sois témoin. Hein, et il le répétait plusieurs fois et il pointait son doigt vers le ciel et il le pointait vers les Sahaba et disait, soyez témoins, hein. Il disait, est-ce que vous avez témoigné? Est-ce que j'ai transmis le message? Il disait oui. Alors, il pointait son doigt vers le ciel et il disait, oh Allah, sois témoin. Oh Allah, sois témoin. Donc, ça c'est rapporté, hein, de plusieurs façons. Il y a plein d'exemples de ça. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet, أي لا يجوز رفع الأصبع إليه إشارة إلى علوه على خلقه كما تقوله نفاة الصفات بل أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه خصوصا خطبة حجة الوداع رفع أصبعه إلى السماء وقال ألا هل بلغت قالوا نعم نشهد أنك قد بلغت فرفع أصبعه الكريم إلى السماء وقال اللهم اشهد هذه إشارة إلى الله أنه في العلو ما أشار إلى يمين أو شمال أو إلى تحت والجهمية وأتباعهم يقولون لا تجوز الإشارة إلى الله لأنه عندهم ليس في جهة والرسول صلى الله عليه وسلم فعل شيئا لا يجوز عند الجهمية وأتباعهم وقد أشار أشرف الخلق في أعظم مجمع وهو مجمع المسلمين في عرفة في أشرف يوم وأشرف مكان أشار إلى الله في العلو بأصبعه الكريمة صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit, ils disent qu'il n'est pas permis de montrer du doigt et d'indiquer le haut, hein, d'indiquer le haut ou d'indiquer qu'est-ce qui est au-dessus de sa création, hein, c'est-à-dire d'indiquer vers le haut. On n'a pas le droit d'indiquer avec notre doigt vers Allah. Ça, c'est ce que les gens qui nient les attributs prétendent. Ils pensent que c'est pas permis d'indiquer le haut pour désigner la direction dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala se trouve. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait dans son discours, hein, lorsqu'il était en train de faire sa khutbah, son discours d'adieu. Il a élevé son doigt vers le ciel, hein, et il a dit, est-ce que j'ai transmis, hein? Et ils ont dit, oui, nous témoignons que tu as certes transmis le message. Alors il a élevé son doigt en pointant vers le ciel et il a dit, oh Allah, sois témoin. Et ça, c'est une indication que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, hein, qu'il est dans al-ulu, c'est-à-dire qu'il est élevé au-dessus de toute chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas indiqué à gauche ou à droite ou en dessous, hein, ou en bas, non. Il a indiqué vers le haut. Il dit les Jahmiya, les gens qui nient les attributs et qui nient les noms, qui nient les noms et les attributs d'Allah, et ceux qui les ont suivis, comme les Mu'tazila, les Asha'ira, les Maturidiya, et ceux qui, les autres, il y en a parmi ceux qui rejettent le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit au-dessus de sa création, ils disent que ça c'est pas permis. Ils disent que d'indiquer ou de pointer vers Allah subhanahu wa ta'ala, que ça c'est pas permis. Parce que pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas dans une direction quelconque. Hein? Et c'est soit qu'ils disent qu'il est partout, donc tu ne peux pas indiquer un endroit spécifique, puisque pour eux il est partout, ou bien ils disent qu'il est nulle part. Hein? Donc tu ne peux pas indiquer un endroit spécifique puisqu'il est nulle part. Hein? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, selon les Jahmiyyah et ceux qui les suivent, il a fait quelque chose qui n'est pas permis. Hein? Selon les Jahmiya, ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait en pointant vers le haut, eh bien, pour eux, c'est quelque chose qui n'est pas permis. Et وقد أشار أشرف الخلق donc alors que le prophète صلى الله عليه وسلم il a indiqué hein, il a pointé vers le ciel hein, pour indiquer Allah سبحانه وتعالى hein, pour indiquer la direction dans laquelle se trouve Allah سبحانه وتعالى devant le plus grand rassemblement des musulmans le jour de Arafat le jour le plus noble l'endroit le plus noble hein, il a indiqué que Allah سبحانه وتعالى est au-dessus de sa création yani avec son doigt son noble doigt donc le cheikh il dit wa amthalu zalika kathir ay amthalu hadhihi alwaqi'a allati ashara fiha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ila as-samaa kathir la yumkinu hasruhu wa la yasihhu inkaruhu wa la yumkinu jahduhu donc le cheikh il dit qu'il y a des choses comme il y a beaucoup d'exemples de ça. Il y a eu beaucoup d'autres occasions comme ça où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pointé vers le ciel et on ne peut même pas les calculer tellement qu'il y en a et ce n'est pas possible hein, ce n'est pas correct de le nier et il n'est pas possible de le rejeter ou de le renier. Ensuite Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici, Cheikh al-Islam? Cheikh al-Islam, il explique et il dit que si la vérité est dans ce que disent ces gens qui nient, ces gens de bid'a qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qui nie les attributs d'Allah qui sont affirmés dans le Coran et dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc si ce qui est vrai c'est ce que disent ces gens-là qui nient les attributs min hadhihi al-ibarat wa nahwaha duna ma yufham donc yani si ce qui est vrai, c'est qu'est-ce que ces gens-là disent lorsqu'ils nient les attributs d'Allah, c'est ça qui est vrai. Par exemple, qu'est-ce qu'ils disent eux par rapport à ces expressions-là et autres, qu'est-ce qu'ils disent par exemple quand ils disent que Allah n'est pas en haut ou en bas ou au-dessus ou en dessous ou à gauche ou à droite ou à l'intérieur du monde ou à l'extérieur du monde ou des choses de ce genre, que c'est ça qu'on doit comprendre. Et qu'on ne doit pas comprendre les textes du Coran et de la Sunna tels qu'ils sont, dans leur sens clair et apparent, alors comment est-il permis, dans ce cas-là, que Allah, subhanahu wa ta'ala, puis ensuite son messager, sallallahu alayhi wa sallam, puis ensuite les meilleurs de cette umma, ils parlent, et ils mentionnent ces textes, ils mentionnent ces paroles, qui sont des textes clairs et des textes apparents, et qu'ils ne disent jamais, en aucune occasion, ils ne disent jamais que ces textes-là ne sont pas à prendre dans leur sens apparent et clair, et qu'il est obligatoire de croire autrement de ce qui est mentionné dans ces textes-là. Donc, à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui-même, et il mentionne ses noms et ses attributs. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam parle d'Allah, et il mentionne ses noms, et il mentionne ses attributs. Et ensuite, les meilleurs de cette umma, parmi les sahaba, les tabi'in et les tabi'in, ils mentionnent, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, et il parle de lui en mentionnant ses noms et ses attributs. Et à chaque fois, il mentionne ce qui est mentionné dans le Coran, dans la Sunna, et il cite les textes clairs et apparents, mais et à aucune occasion, ils ne disent pas, il n'y a pas une occasion dans laquelle ils vont dire que c'est pas qu'est-ce qui est écrit qu'il faut croire, hein, que c'est pas qu'est-ce qui est mentionné qu'il faut croire tel que c'est mentionné. Et ils ne l'expriment jamais, ils disent jamais ça c'est faux, ils disent jamais qu'est-ce qui est écrit dans les textes c'est le contraire de la vérité. Comment est-ce possible de penser une chose pareille, hein? Donc Cheikh Al-Fawzan il commente sur ça. Il dit يقول رحمه الله إذا كان الحق في الأسماء والصفات ما يقوله المتأخرون من أنها لا يجوز نسبتها إلى الله ولا يوصف الله بها ولا يسمى بها فإن معنى هذا أن الكتاب والسنة ما جاء لهداية الناس بل جاء لتضليل الناس لأن الكتاب والسنة يدلان على خلاف ما يقوله هؤلاء فإذا كان الحق معهم فإن الكتاب والسنة إنما جاء للتضليل والتلبيس على الناس وكفى بهذا الاتهام ضلالا وكفرا والعياذ بالله. Donc le Cheikh il dit, il dit que Cheikh al-Islam rahimahullah il est en train d'expliquer que si la vérité au sujet des noms et des attributs d'Allah, c'est ce que disent ces gens-là qui sont venus après les salafs, et dans le sens qu'ils disent qu'il ne faut pas les attribuer à Allah, ces attributs-là et ces noms-là, et qu'on ne doit pas décrire Allah subhanahu wa ta'ala par ce qu'il s'est décrit lui-même, ou appeler Allah par les noms qu'il s'est donnés. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire, dans ce cas-là, ça voudrait dire que le Coran et la Sunna ne sont pas venus pour guider les hommes. Au contraire, pour eux, selon ce qu'ils disent, c'est que le Coran et la Sunna sont venus pour égarer les hommes. Parce que le Coran et la Sunna prouvent le contraire de ce que disent ces gens-là. Le contraire de ce que disent les Jahmiyyah, le contraire de ce que disent les Mu'tazila, le contraire de ce que disent les Asha'ira, et le contraire de ce que disent les Maturidiyya, et les Ahbash, et tous les autres. Donc le Cheikh il dit, donc parce que le Coran et la Sunna indiquent le contraire de ce que ces gens-là disent. Donc, si c'est eux qui ont la vérité, et que le Coran et la Sunna est uniquement venu pour égarer les gens, et pour mélanger les gens dans leur religion, alors ça, c'est suffisant comme accusation, comme égarement et comme mécréance, que Allah nous en préserve. Cheikh Al-Fawzan, il dit ensuite, « Wala Buddha, imma anna al-haq ma dalla alayhi al-kitab wa sunna wa ajma'at alayhi al-umma, wa hadha huwa al-qat' wa al-yaqin » وإما أن يكون أينما وإما أن يكون الحق ما يقوله هؤلاء النفات وهذا يلزم منه بطلان ما جاء به الكتاب والسنة لا ثالث لهذين الاحتمالين أبدا على الاحتمال الثاني يكون الله ورسوله والمؤمنون قالوا خلاف الحق وكتموا الحق و بينه الجهمية والمعتزلة. Donc ça c'est Ibn Taymiyyah il est en train de les détruire complètement leurs shubuhat en disant, en clarifiant ça. Cheikh Al-Fawzan il dit, d'après ce qu'on a mentionné, il dit donc c'est soit une des deux choses suivantes qui est la vérité. Donc soit que la vérité c'est ce qui est expliqué dans le Coran et dans la Sunna, et que tous les salafs de la Ummah ont été d'accord sur ça, il dit ça c'est la certitude, et c'est qu'est-ce qui est certain et clair, il n'y a pas de doute là-dessus, que c'est ça la vérité. Ou bien soit que la vérité c'est ce que disent les négateurs des attributs. Et si on affirme que c'est ça qui est la vérité, que c'est eux qui ont la vérité, et bien ça implique que le Coran et la Sunna ça implique que qu'est-ce qui est dans le Coran, dans la Sunna, c'est faux. Si on affirme que c'est eux qui ont la vérité, ça veut dire dans ce cas-là que qu'est-ce qui est dans le Coran, dans la Sunna, c'est faux. Puisque le Coran et la Sunna affirment les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que si tu dis que c'est eux qui ont raison, en niant les attributs d'Allah, ça veut dire que le Coran et la Sunna, c'est quelque chose de faux, c'est pas vrai. Et il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre possibilité que ces deux choix-là. Soit que tu dis que la vérité est dans le Coran et dans la Sunna, hein, et que tu dois affirmer les attributs, et que c'est la vérité, et c'est ce sur quoi la Ummah s'est mise d'accord, et ça c'est la certitude, ou bien que ce sont les gens qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont raison, parmi ceux qui sont venus après les salaf, hein, et dans ce cas-là, ça implique que le Coran et la Sunna, c'est quelque chose de faux. Tu ne peux pas ramener une troisième. Tu ne peux pas ramener une troisième possibilité. C'est soit un ou l'autre. Donc, le cheikh, il dit, selon la deuxième implication, ça voudrait dire que Allah, subhanahu wa ta'ala, est le messager, sallallahu alayhi wa sallam, de même que les croyants, parmi les sahaba, les tabi'in, les tabi'in, ils ont dit le contraire de la vérité, ou bien qu'ils ont caché la vérité. Hein? Et ce sont les Jahmiyyah et les Mu'tazila et ceux qui les ont suivis qui ont clarifié la vérité. Donc ça c'est déjà la vérité paraît clairement pour celui qui est sincère et qui cherche la vérité. Qu'est-ce qu'il dit ensuite, Cheikh al-Islam? Il dit wala yadulluna alayhi la nassan wa la zahiran hatta yaji anbat al-furs wal-rum wa furukh al-yahud wan-nasara يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. Donc Ibn Taymiyyah il dit donc que ils ne viennent pas pour expliquer. Donc les salafs ils sont jamais venus pour dire ces choses-là clairement et ouvertement. Hein, que qu'est-ce qui est dans le Coran, dans la Sunna, c'est pas vrai. Ils l'ont jamais dit. Hein, ils ont jamais mentionné rien là-dessus. Ni dans des textes clairs, ni dans des textes qui pourraient être compris de cette façon-là, dans un deuxième sens. Non. Jusqu'à ce qu'arrivent les gens qui ont pris des Perses et des Romains, et des élèves des Juifs et des chrétiens et des philosophes, pour clarifier à la Umma la bonne aqida qu'ils doivent croire, hein, et que chaque musulman doit accepter. Ou que toute personne doit croire. Subhanallah. Donc, c'est comme pour dire que il fallait attendre ceux-là, ces gens-là, qui sont des gens de l'égarement, pour qu'eux viennent nous expliquer c'est quoi notre aqidah et qu'est-ce qu'on doit accepter de notre aqidah et comment il faut croire en Allah. Allahul Musta'an. Donc, le Cheikh, il explique qu'est-ce qui est mentionné dans le texte en arabe. Il mentionne les termes que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a employés. Donc il dit hatta yaji anbat al-furs, anbat c'est le pluriel de nabti, et nabti il dit huwa alladhi laysa lahu nasab wala lugha wa innama huwa tabi'un li ghayrihi mithlu anbat al-iraq alladhina laysu ma'rufin hal hum min al-arab aw hum min al-ajam وإنما هم أناس يعيشون على الزراعة وعلى رأي الغنم وليس لهم حضارة وليس لهم علوم وإنما هم أتباع للفرس كيف يؤخذ قول هؤلاء ويترك ما جاء به الكتاب والسنة. Donc النبطي, النبط c'est le pluriel de نبطي, et c'est ceux qui n'ont pas de ils ne connaissent pas leurs origines, puis ils n'ont pas de langue particulière à eux. Ils suivent les autres, ils suivent d'autres peuples, comme par exemple les Anbat de l'Irak. Ils ne sont pas connus. On ne sait pas, est-ce que ce sont des Arabes ou est-ce que ce sont des non-Arabes. Ils vivent comme ça, ils vivent de l'agriculture, puis il y en a parmi eux qui sont aussi des gens qui s'occupent des moutons, des choses comme ça, mais ils n'ont pas de civilisation, ils n'ont pas de science. Ils font juste suivre les Perses. Donc, le cheikh, il dit, comment peut-on prendre, donc, dans ce cas-là, la science de ceux-là et abandonner ce qui est dans le Coran et dans la Sunna? Après, il dit Al-Furs wal-Rum, Al-Furs wal-Rum. Donc, le Cheikh il explique à ce sujet-là. Il dit Al-Furs, هم أهل المشرق من المجوس وأتباعهم والروم الرومان أهل الغرب. Donc, Al-Furs, ce sont les Perses, les gens de l'Orient, parmi les Majus et ceux qui sont comme eux, qui suivent ces gens-là. Et Ar-Rum et Ar-Rouman, ce sont les gens de l'Occident. Ce sont les gens de l'Occident. Et Furuq al-Yahoud wal-Nasara, يعني تلاميذ اليهود والنصارى أهل الضلال الذين ضلوا في دينهم وحرفوا دينهم وغيروا شرع الله عز وجل وعطلوا وهؤلاء المعطلة تتلمذ عليهم فكيف يؤخذ بقول تلاميذ اليهود وتلاميذ النصارى وقول اليهود والنصارى وهم معروفون بالضلال والانحراف ومخالفة الرسل وتغيير الشرع وهذا معروف عند اليهود والنصارى فالذين تتلمذوا عليهم حكمهم حكمهم. Donc le Cheikh il dit فروخ اليهود والنصارى, c'est-à-dire les élèves des juifs et des chrétiens, les gens de l'égarement, ceux qui se sont égarés dans leur religion et qui ont déformé et falsifié leur religion et qui ont changé la législation et la révélation d'Allah. Ceux-là sont donc les mu'attila, ceux qui nient les attributs d'Allah, ce sont les élèves des juifs et des chrétiens. Donc comment pourrions-nous prendre les paroles des élèves des juifs et des chrétiens, et prendre la parole des juifs et des chrétiens? Ce n'est pas possible. Alors que c'est des gens qui sont connus comme étant des gens d'égarement, des gens qui ont dévié, qui contredisent les messagers et qui ont changé la révélation. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu des juifs et des chrétiens. Donc, ceux qui ont étudié avec eux et qui ont pris leur connaissance d'eux, eh bien, ils ont le même verdict que les juifs et les chrétiens. Et le Cheikh, il dit « Wal falasifa » Ibn Taymiyyah, il a dit « Wal falasifa » les philosophes. Il dit الذين ليس لهم كتاب وإنما يعتمدون على آرائهم وعقولهم وأصل الفلسفة الحكمة الفيلسوف هو الحكيم عندهم وهم قوم لا يتبعون دينا من الأديان وليس لهم كتاب وإنما يبنون على الآراء والعقول وأغلب ما يكونون في بلاد اليونان وكيف يتأخر البيان من الله ورسوله من السلف الصالح للعقيدة الصحيحة حتى يأتي هؤلاء الخلوف الذين ليس لهم علم صحيح ولا عقيدة صحيحة ويفسرون الكتاب والسنة على غير مراد الله ورسوله بهما. Donc les philosophes, il dit le Cheikh, que ce sont ceux qui n'ont pas de livre. Ils se basent uniquement sur leurs opinions et sur leur raison. Et à la base, la philosophie, c'est la sagesse. Et le philosophe, pour eux, c'est le sage. Et ce sont des gens qui ne suivent aucune religion d'entre les religions en particulier. Et ils n'ont pas de livre révélé. Et ils se basent sur leurs propres opinions, leurs raisons. Et la plupart d'entre eux, on les retrouvait chez les Grecs. Et le Cheikh il dit donc comment la clarification de la religion, la clarification de la aqida, de la bonne croyance, a-t-elle retardé d'Allah et de son messager et des salafs salih? Elle n'est pas venue tout de suite, il fallait attendre que ces gens-là, parmi ceux qui sont venus après, arrive pour la clarifier. Fallait attendre que ces gens-là viennent pour clarifier la religion pour les musulmans, alors que ce sont des gens qui n'ont pas de science correcte et qui n'ont pas de bonne aqidah. Et il fallait donc interpréter le Coran et la Sunna selon selon un point de vue ou selon يعني un sens autre que celui que Allah et son messager ont voulu. Yani ça c'est pas acceptable, c'est pas possible. Et ensuite Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit la in kana ma yaquluhu ha'ula al-mutakallimun المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك وحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. Donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah ici, il explique que si ce que ces gens-là disent, parmi les gens de Kalam, parmi les gens qui se chargent de choses qui n'ont pas été ordonnées et qui compliquent la religion pour les gens, si c'était ça qui était ordonné, qui était obligatoire dans la croyance, et que il fallait se tourner dans notre connaissance seulement vers la raison de ces gens-là pour connaître la aqida, que c'est vers la raison de ces gens-là qu'il fallait se tourner pour connaître notre aqida, et que il fallait repousser le Coran et la Sunna pour se baser sur ce qui est impliqué par les analogies de la raison de ce que ces gens-là ont ramené et laisser de côté ce qui est apparent et clair dans les sens du Coran et de la Sunna. Alors dans ce cas-là, si on avait laissé les gens sans livre, sans Coran et sans Sunna, ça aurait été plus bénéfique pour eux dans ce sens-là, hein, et ça aurait été une meilleure guidance pour eux de ne pas leur avoir donné le Coran et la Sunna et de les avoir laissés directement se baser sur la logique de ces gens-là. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit même que la présence du Coran et de la Sunna dans ce cas-là est un mal, hein, un pur mal dans les fondements de la religion, si c'est vers la logique de ces gens-là qu'il faut se baser. Dans ce cas-là, même la présence même du Coran et de la Sunna dans ce cas-là est un mal pur dans les fondements de la religion. Cheikh Al-Fawzan, il clarifie ça, il dit إذا كان الحق ما يقوله هؤلاء الجهمية وأفراخهم أن الله ليس له أسماء ولا صفات وإنما هو ذات مجردة كما يقولون والكتاب والسنة مملوءان من أسماء وصفات من أسماء الله وصفاته لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أحسن لهم لأن الرسل ما جاءوهم بالهداية وعلى هذا التقدير أن الهداية هي أقوال هؤلاء إذن ما فائدة الكتب الإلهية وما فائدة إرسال الرسل وإنما يتركون الناس على عقولهم وأفكارهم وهذا من لوازم مذهبهم أنه يلزم أن يكون العالم ليس بحاجة إلى الرسل والكتب لأن عندهم ما يكفيهم من عقولهم وأفكارهم. Donc ça c'est un autre argument solide contre eux. Qu'est-ce que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il mentionne ici? Ça c'est un autre argument contre eux pour détruire leur fondement. Il dit si la vérité c'est ce que disent ces gens-là parmi les Jahmiyyah et ceux qui les ont suivis, les Mu'tazila, les Asha'ira, les Maturidis, et ainsi de suite, ceux qui nient les attributs d'Allah, si c'est eux qui disent la vérité quand ils disent que Allah n'a pas de nom et qu'il n'a pas d'attributs et que c'est seulement une entité qui existe sans nom et sans attributs comme ils le prétendent, et que alors que le Coran et la Sunna tous les deux sont remplis de noms d'Allah et d'attributs d'Allah, alors dans ce cas-là, si on avait laissé les gens sans Coran et sans Sunna, ça aurait été mieux pour eux, hein, parce que les messagers ne leur ont pas apporté dans ce cas-là la guidance selon cette prétention-là, parce que pour eux la guidance c'est quoi? C'est la parole de ces Jahmiya et de ces gens qui ont suivi les Jahmiya. Dans ce cas-là, quel est l'intérêt, quel est le bienfait d'avoir révélé des livres, hein? Et quel est le bienfait d'avoir envoyé des messagers, hein? Il fallait dans ce cas-là uniquement les laisser les gens avec la raison de ces gens-là et leurs pensées et leurs idées, et c'est tout, hein? Donc ça, c'est une des implications de leur croyance et de leur voie. Ça implique donc que le monde n'a pas besoin de messagers, il n'a pas besoin de livres, hein, et que ils peuvent se suffire uniquement de leur logique et de leur raison et de leurs idées. Pas besoin de révélation, pas besoin de prophète, pas besoin de messager, pas besoin de livre. Hein? C'est ça l'implication de, yani, des idées de ces gens-là. Et ça, c'est très dangereux, yani, comme idée et comme enseignement. Hein? Il n'y a pas de doute là-dessus. Et la réalité, c'est ça. Et moi, je me rappelle, et ça s'applique au nom et aux attributs d'Allah, mais ça ne s'applique pas uniquement à cet aspect-là de la croyance et de la religion. Ça s'applique à tous les aspects même des principes de la croyance et de la religion islamique. C'est comme une fois, par exemple, quand on parlait avec des gens qui défendent, par exemple, les révoltes contre les dirigeants et qui défendent la voie des Khawarij et des Mu'tazila. Ils ne se basent pas sur les textes, parce que les textes du Coran et de la Sunna interdisent la révolte contre le dirigeant injuste et ordonnent l'endurance et la patience, et l'écoute et l'obéissance, et ordonne de donner le conseil dans le bien, hein, et d'obéir dans le bien, et de donner le conseil aux dirigeants injustes, mais pas de se rebeller, de se révolter contre lui. Et les Khawarij et les Mu'tazila, ils ne peuvent pas se baser sur les preuves du Coran et de la Sunna. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent des arguments rationnels et des preuves soi-disant logiques pour opposer les textes authentiques du Coran et de la Sunna qui interdisent les révoltes. Et c'est pour ça que tu vas les voir, par exemple, et qu'ils vont dire, par exemple, yani, laisse les textes de côté. On n'a pas besoin des hadiths, on les connaît. Retournons à la logique maintenant. Retournons à la compréhension maintenant. Hein? Et c'est toujours leur compréhension à eux qui est la meilleure. Hein? C'est toujours leurs explications à eux qui est intelligente et logique. Et quand c'est le temps de mentionner, par exemple, les textes et les preuves, eh bien, ils vont essayer de les déformer, de chercher une autre interprétation pour les détourner de leur sens réel. Ou bien, ils vont dire, non, on n'accepte pas ces hadiths-là. Et ça, je l'ai entendu même de la part d'un d'entre eux. Il a dit, non, ça, c'est des faux hadiths. C'est des gens qui ont écrit ces hadiths-là pour faire plaisir aux dirigeants. Allah al-Musta'an. Donc j'ai dit à cette personne qui a dit ça, j'ai dit, si c'est comme ça que tu penses, dans ce cas-là, t'as pas besoin de religion, toi. T'as pas besoin de religion. Tu te bases sur ta logique et tu fais ce que ta logique te demande. T'as pas besoin de prophète. T'as pas besoin de livre. Puisque qu'est-ce que tu suis, c'est ta logique. Hein? Donc c'est comme un des ulama avait dit, ces gens-là, quand ils disent La ilaha illallah wa aqli rasulullah. Hein? Il dit, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et ma raison est le messager d'Allah. Hein, parce qu'il se soumet et il suit sa raison et non pas la révélation qui vient du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est de l'égarement. Na'am. Ensuite, l'autre parole, il dit même que, Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, il dit donc, dans ce cas-là, de ne pas avoir le Coran, de ne pas avoir la Sunna, ça aurait été plus bénéfique pour eux. Hein, selon la compréhension des Jahmiyyah et des Mu'tazila et des autres. Et il dit ensuite même que la présence même du Coran et de la Sunna est un tort pur pour les gens, dans ce cas-là, dans les fondements de la religion, si la vérité c'est de suivre la voie des Jahmiyyah et des Mu'tazila et de ceux qui les ont suivis. Cheikh Al-Fawzan, il dit, il explique ça. Il dit, « بَلْ يَكُونُ وُجُودُ الْكِتَابُ وَالسُنَّةِ ضَرَرًا مَحْضًا عَلَى النَّاسِ لِأَنَّهُمَا تَضْلِيلٌ عَلَى زَعْمِ هَؤُلَاءِ لِأَنَّهُمَا لم يصرحا بالحق في العقيدة فيكون الكتاب والسنة جاء للتضليل وأن الحق هو في اتباع العقول والأفكار وما يقوله أصحاب الجدل وعلم الكلام والمنطق. Donc, Le Cheikh Al-Fawzan, il dit, dans ce cas-là, donc il dit, selon ce que ces gens-là disent, le Coran et la Sunna, c'est un tort pur, un mal pur pour les gens. Pourquoi? Parce que dans le Coran et dans la Sunna, selon eux, il y a de l'égarement. Hein? Parce que pour eux, d'affirmer les attributs d'Allah et les noms d'Allah, c'est du kufr et c'est de l'égarement. Donc, le Coran et la Sunna sont remplis d'affirmations des noms et des attributs d'Allah. Donc, ça veut dire que pour eux, le Coran et la Sunna sont remplis d'égarements. Hein? Et donc, il n'y a aucun endroit où on retrouve dans le Coran ou dans la Sunna qu'il ne faut pas affirmer les noms et les attributs tels qu'ils sont. Hein? Et ne, il ne faut pas croire à ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna à propos d'Allah. Ce n'est pas écrit nulle part. Donc, le Coran et la Sunna sont venus avec l'égarement pour eux. Hein? Et la vérité, c'était, il n'y a pas d'endroit dans le Coran ou dans la Sunna où c'est écrit, la vérité c'est de suivre la logique et les pensées des Jahmiyyah et des Mu'tazila, et des gens de Kalam, et des gens de Jadal, et des gens de, qui se basent sur la philosophie, qui se basent sur les opinions, qui se basent sur la logique grecque, ou qui se base sur la philosophie, la dialectique aristotélicienne ou d'autres noms, comment ils l'ont appelé, yani, peu importe. En voulant dire, si tu ne te bases pas sur notre compréhension, yani, tu n'es pas sur la bonne voie. C'est ça qu'ils disent. Hein? Et le cheikh dit ensuite, فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْأَمْرِ عَلَى مَا يَقُولُهُ هَؤُلَاء أَنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ الْعِبَادِ لَا تَطْلُبُوا مَعْرِفَةَ اللَّهِ عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق السلف الأمة ولكن انظروا أنتم فيما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به ثم هم ها هنا فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه ومنهم من يقول بل توقفوا فيه. Donc ça c'est ce qu'ils disent, c'est ce que les gens de Bid'a qui nient les attributs d'Allah, c'est ce qu'ils disent en réalité. Ils disent la réalité de l'affaire en réalité, c'est que ces gens-là, ils disent, c'est comme s'ils étaient en train de dire aux gens, « Oh vous, les hommes, hein, les serviteurs, ne recherchez pas la connaissance d'Allah Azza wa Jal et de ce qu'il mérite comme attribut, que ce soit pour le nier ou pour l'affirmer, ne le recherchez pas dans le livre, le Coran, ni dans la Sunna, ni dans la voie des salafs de cette Ummah. Plutôt, si vous voulez savoir la vérité à ce sujet, regardez vous-même dans ce que vous trouvez comme étant mérite, yani que Allah le mérite. Regardez vous-même dans ce que vous pensez que Allah mérite comme nom et comme attribut. Yani selon votre sens, votre bon sens à vous, selon votre logique. Ce que vous pensez que Allah mérite comme nom et comme attribut, eh bien, attribuez-le lui. Peu importe que ce soit présent dans le Coran ou dans la Sunna, ou que ce ne soit pas présent, c'est pas grave. Et ce que vous trouvez comme étant que Allah le mérite, yani selon vous, et ce que vous trouvez que Allah ne mérite pas selon votre logique, yani si vous trouvez quelque chose, vous dites ça, Allah ne mérite pas qu'on lui affirme comme attribut. Hein? Parce que notre logique, elle ne l'affirme pas, dans ce cas-là, ne le décrivez pas par cet attribut-là. Ne lui attribuez pas. Donc ça, c'est ce qu'ils disent. Cheikh Al-Fawzan dit à ce sujet-là, أي يلزم أيضا على كلام هؤلاء أنه يجب أن يقال للناس لا تأخذوا العقيدة من الكتاب والسنة لأنهما ليس فيهما عقيدة صحيحة بل خذوها من أقوال الناس وعقائدهم وأفكارهم فإنها هي الصواب فما دلت عليه عقولكم وأفكاركم في الله فالحق فهو الحق ولا تنظروا إلى الكتاب والسنة ولا ما قاله السلف لأنهم ليس عندهم عقيدة لأنهم ليس عندهم علم بذلك. Donc ça veut dire, yani, c'est-à-dire que ça implique qu'est-ce qu'ils disent eux, hein, leurs paroles, ça implique qu'il ne faut pas dire aux gens de prendre leur aqidah dans le Coran et dans la Sunna. Pourquoi? Parce que dans le Coran et dans la Sunna, selon eux, il n'y a pas la bonne aqidah, il n'y a pas la bonne croyance. Ils disent, prenez votre aqidah des paroles des gens et de leurs croyances et de leurs pensées, parce que c'est ça qui est vrai, ça qui est correct. Et ce qui a été prouvé par votre logique et par vos pensées à propos d'Allah, c'est ça la vérité. Alors ne cherchez pas dans le Coran et dans la Sunna, et ni dans ce que les salafs ont dit, parce qu'ils n'avaient pas de science de ces, à propos de ces choses-là. C'est ça ce qu'ils sont en train de dire en réalité, les Ahbash, c'est ça ce qu'ils sont en train de dire les Maturidiyya et les Asha'ira, et c'est ça ce qu'ils sont en train de dire aussi les Mu'tazila et les Jahmiyya. Ensuite, ils se sont divisés en deux groupes. Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, puis ici, ils se sont divisés en deux groupes. La plupart d'entre eux, ils ont dit, ce que vous n'avez pas affirmé, ce que votre logique n'affirme pas, niez-le. Ce que votre logique n'affirme pas, niez-le. Et l'autre groupe, eux ont dit, non, yani, abstenez-vous de dire, de l'affirmer ou de le nier. Hein? Tawakkafu. Yani, vous restez sans dire qu'on l'affirme ou on le nie. Yani, vous restez comme ça, neutre. Donc ça, c'est les deux positions de ces groupes-là. Soit qu'ils trouvent quelque chose, ils disent, ah, ma logique, elle ne l'affirme pas, donc je le nie. Et l'autre groupe, ils disent, oh, ma logique ne l'affirme pas, donc je ne l'affirme pas, je ne le nie pas. Hein? Yani, c'est la position, en fait, des deux groupes par rapport à ces gens-là. C'est-à-dire, par rapport à eux, il y a les gens de Ta'wil, comme on l'a expliqué dans les cours précédents, les gens de Ta'wil et les gens de Tafwil. Hein? Ceux qui, yani, les gens de Ta'wil, c'est ceux qui disent, on va l'expliquer plus loin de toute façon, et on l'a expliqué, ceux qui cherchent à donner une autre signification de qu'est-ce qui est mentionné dans les textes. Ils déforment le sens. C'est ça les gens de Ta'wil. Et les gens de Tafwil, c'est les gens qui disent, on ne sait pas ce que ça veut dire. Hein? Donc le cheikh, il explique ici, il dit, hadihi al-firaq. هذه الفرق الضالة على فريقين فريق يعتمد على العقول فيقولون فيقول ما أثبتته عقولكم فاثبتوه في حق الله وما نفته عقولكم فانفوه دون نظر إلى الكتاب والسنة لأن الكتاب والسنة ليس فيهما بيان للحق. Donc voici les deux positions de ces. Il dit, parmi les sectes d'égarement, il y a deux groupes. Ceux qui se basent sur leur raison, ce qu'ils appellent la raison, c'est en réalité leur passion. Hein? Ils se basent sur leur raison, ils disent, ce que votre logique affirme, affirmez-le à propos d'Allah. Et ce que votre logique nie, niez-le à propos d'Allah. Sans regarder à ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna, parce que, pour eux, le Coran et la Sunna, il n'y a pas la vérité dedans. Et il y a un autre groupe, Fariqun yaqul, ma athbatathu 'uqulukum fa athbituhu wa ma nafathu 'uqulukum fatawaqqafu fihi. Fayabqawna fi hayratin wa ka'anna Allah 'azza wa jalla taraka an-nasa fi hayratin mutawaqqifina la yadruna ayna al-haqq wa hal yaliqu billah أو يترك عباده في حيرة أو يترك عباده في حيرة لا يدرون أين الحق تعالى الله عن ذلك. Donc le cheikh il dit, il y a un autre groupe, eux ils disent, ce que votre raison a affirmé, affirmez-le, et ce que votre raison a nié, eh bien il y en est resté dessus sans affirmer et sans le nier. Il reste en fait dans la confusion par rapport à ces choses-là. C'est comme si, pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala avait abandonné les gens dans la confusion. Et ils ne doivent pas prendre affirmer ou nier quoi que ce soit, hein, de ces choses-là. C'est comme s'ils sont dans le doute. dans la confusion, ils ne savent pas où est la vérité. Hein? Est-ce que yani, Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que c'est correct de dire à son sujet qu'il a abandonné ses serviteurs dans la confusion, hein, et qu'il les a laissés sans savoir où est la vérité? Yani, que Allah subhanahu wa ta'ala soit purifié et exalté de ce genre de choses. Donc le cheikh il explique, il dit Allah subhanahu wa ta'ala yaqul فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فالله أرجعنا إلى الهدى الذي ينزله على رسله ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته هذا لا يمكن معرفته إلا من طريق الوحي لأن الله سبحانه وتعالى يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ويقول عز وجل ولا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, le verset 38 et 39 dans Surat Al-Baqarah, il cite ces deux versets-là, et ça dit, yani, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى. Et toutes les fois que je vous enverrai un guide ou une guidance, celui qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Et ceux qui ne croient pas et qui traitent de mensonges, yani nos messagers, notre révélation, hein, nos révélations, ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Donc, le cheikh ici, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a renvoyé à la guidance qu'il a fait descendre sur ses messagers. Donc tout ce qui a rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, ses noms et ses attributs, hein, ça c'est des choses qu'il n'est pas possible de connaître excepté par la révélation. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, hein, le cheikh il mentionne le verset 110 dans sourate Taha, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. C'est-à-dire, il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, alors qu'eux-mêmes ne le cernent pas de leur science. Ils ne peuvent pas cerner Allah subhanahu wa ta'ala de sa science. Hein, donc, ça c'est pour expliquer que tu veux essayer de comprendre Allah subhanahu wa ta'ala, base-toi sur la révélation, base-toi sur ce qu'il a révélé à ses messagers, et c'est pas par ta logique, hein, par ton cerveau limité, d'essayer de comprendre Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est pas possible. Ensuite, il mentionne le verset 74 dans Surat An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. N'attribuez donc pas à Allah subhanahu wa ta'ala des semblables, car Allah sait tandis que vous ne savez pas. Hein? Et aussi ça veut dire dans le sens que n'essayez pas de faire des comparaisons avec Allah subhanahu wa ta'ala, entre Allah et sa création et des choses comme ça. فَلَا يُقَالْ فِي حَقِّ اللَّهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ إِلَّا عَنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ الْمُنَزَّلِ مِنَ اللَّهِ لأن الله أعلم بنفسه من خلقه والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله عز وجل لأن الله أرسله وأنزل عليه الكتاب والسنة وأنزل عليه الكتاب ليبينه للناس فالمرجع إلى الكتاب والسنة وكذلك سائر علوم الغيب العلوم الماضية والمستقبلة كل هذه من علوم الغيب لا نقول فيها إلا بما دل عليه الكتاب والسنة ولا ننفي ولا نثبت بعقولنا وأفكارنا لأن هذا شيء لا تدركه العقول ولا تحيط به الأفهام. Donc le cheikh il dit que on ne peut pas dire à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala de ses noms et de ses attributs excepté par la voie de la révélation qui a été révélée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala se connaît mieux lui-même que sa création. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a personne qui le connaît mieux qu'il se connaît lui-même. Hein? Et ce n'est pas la création d'Allah qui va définir qui est Allah. Hein? C'est pas la créature d'Allah qui va commencer à dire au créateur qui le créateur est et comment il est, hein, et qui va commencer à parler de lui selon sa propre compréhension, selon sa propre logique. Non, Allah subhanahu wa ta'ala se connaît mieux que quiconque et il se connaît mieux que sa création. Et le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la créature qui connaît le mieux Allah subhanahu wa ta'ala parmi les créatures. Pourquoi? Parce qu'il est un messager envoyé par Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui révèle le livre et il lui ordonne de le clarifier pour les gens. Donc la référence pour les gens, pour connaître Allah, c'est de revenir au Coran et à la Sunna. De même que dans toutes les autres sciences qui ont rapport à l'invisible et à l'inconnu, hein, on se réfère dans ces choses-là à la révélation. Hein, que ce soit les sciences par rapport à qu'est-ce qui est arrivé dans le passé ou les sciences de qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir, toutes ces sciences-là font partie de l'invisible. Et on n'a pas le droit de parler dans ces choses-là et de dire quoi que ce soit, excepté ce qui a été prouvé par le Coran et par la Sunna. Et on ne doit pas nier ni affirmer des choses de ces choses-là en se basant sur notre logique ou sur notre pensée, parce que ce sont des choses que la raison ne peut pas connaître, hein, et notre raison ne peut pas envelopper et cerner ces choses-là, et notre compréhension ne peut pas le cerner non plus. Le cheikh, il termine, il dit à ce sujet-là, il dit wa innama ilmuhu muqtasirun ala al-wahy al-munazzal min Allah subhanahu wa ta'ala wal-ilmu al-muballagh min al-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Hadhihi hiya al-qa'idatu fi umur al-ghayb annahu la yatakallamu fiha illa bi-wahy. Donc le cheikh, il dit, donc la science à propos de ces choses-là se limite uniquement à la révélation que Allah a fait descendre, et la science qui a été transmise de la part du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est la règle qu'on doit suivre au sujet des choses qui ont rapport avec le ghaib, qu'on ne doit pas parler de qu'est-ce qui a rapport avec le ghaib excepté selon la révélation. Et cette façon de clarifier les choses que le cheikh il nous mentionne maintenant, eh bien, vous voyez tout de suite que c'est la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Hein, c'est la position des Salaf al-Salih. Et c'est pas seulement à propos des noms et des attributs, mais de tout ce qui a rapport avec la révélation, tout ce qui a rapport avec la religion, le ghaib et les choses qui sont invisibles et inconnues. Hein? Donc, la voie de Ahl Sunnah, c'est la voie de la soumission. Hein, et de soumettre à la révélation d'Allah. Le cheikh, il dit ensuite, cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, وَمَا نَفَاهُ قِيَاسُ عُقُولِكُمْ. Donc, ils continuent leur discours, c'est-à-dire ce qu'ils disent, eux, et ce qu'ils pensent, hein, par rapport aux noms et aux attributs. Ils disent, وَمَا نَفَاهُ قِيَاسُ عُقُولِكُمْ الَّذِي أَنْتُمْ فِيهِ مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه وإليه عند التنازع فارجعوا فإنه الحق الذي تعبدتكم به. الله المستعان. Donc ils disent, et ce que vos analogies, l'analogie de vos raisons et de votre logique a nié, hein, eh bien, dans ce cas-là, niez-le. Et entre ces deux phrases, il y a une phrase qui est, disons, comment on dit, interposée dans cette phrase-là, hein, quand il décrit leur raison, hein, quand il décrit leur raison, il y a une phrase entre les deux pour, en fait, pour montrer à quel point ces gens-là sont dans l'égarement. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, votre raison, et là c'est comme si on peut dire qu'il y a une grande parenthèse, il dit, الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, c'est comme s'il disait, ramener, yani, eux, ils disent aux gens de ramener les divergents, de ramener l'interprétation des noms et des attributs d'Allah à leur logique et à la raison, alors qu'entre eux-mêmes, ils sont divisés et que les divisions qui existent entre eux sur qu'est-ce qui est logique et qu'est-ce qui n'est pas logique, c'est les plus grandes divergences qui existent sur la terre entière. Il n'y a pas de gens qui divergent plus et qui sont plus divisés sur quelque chose que ces gens-là entre eux par rapport à ces choses-là. Donc, malgré ça, ils disent quand même, qu'est-ce que vos logiques nient? Eh bien, niez-le. Et c'est vers votre raison que vous devez ramener les divergences, hein, et c'est la vérité qu'on vous a ordonné de suivre comme étant une adoration, yani, de ramener ces choses-là à vos logiques. Le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il commente ce point-là. Il dit, hey, ما نفته العقول ينفى لأن العقول هي الدليل عند هؤلاء ومعنى هذا أننا نبقى في حيرة وأن الله تركنا ولم يبين لنا فهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى ترك عباده لم يبين لهم طريق الحق وطريق الصواب. Donc le cheikh il dit, selon ces gens-là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on vient de lire? Ça veut dire qu'est-ce qu'ils disent? C'est-à-dire que ce que votre raison, votre logique a nié, niez-le. Parce que la logique, c'est la preuve pour ces gens-là. C'est ça la preuve. Et la signification de ça, en fait, c'est que on doit tous rester dans l'erreur et dans la confusion, hein, et dans le fait d'être confus et dans l'incertitude. Et ça veut dire en fait que Allah nous a abandonné et qu'il nous a rien clarifié, hein? Et donc ça c'est l'idée que selon ce que ces gens-là disent, Allah a abandonné ses créatures, ses serviteurs, et il ne leur a pas montré la voie de la vérité ni la voie du droit chemin. Ensuite, le cheikh il dit, وَإِذَا كَانَ اللَّهُ أَحَالَنَا عَلَى الْعُقُولِ فَهَلَ الْعُقُولُ مُتَسَاوِيَةٌ الْعُقُولُ مُخْتَلِفَةٌ مُضْطَرِبَةٌ وَلِهَذَا تَجِدُهُمْ فِي اضْطِرَابٍ وَاخْتِلَافٍ هَذَا يَنْفِي وَهَذَا يُثْبِتُ هَذَا يُضَلِّلُ وَهَذَا يُكَفِّرُ هَذَا يُفَسِّقُ وَهَذَا يُفَسِّقُ لِأَنَّ عُقُولَ الْبَشَرِ مُخْتَلِفَةٌ لَيْسَتْ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ ثُمَّ هِيَ قَاصِرَةٌ مَا تُدْرِكُ الْغُيُوبَ المستقبل والماضية فهي قاصرة مضطربة ومختلفة. Donc le cheikh il dit, puis c'est pour répondre à leur idée qu'il faut ramener les choses à la raison, hein, et à la logique, puisque comme le cheikh il dit, si Allah nous a renvoyé dans les divergences, dans les questions de la croyance, il nous a ramené à notre logique, est-ce que les raisons sont égales et est-ce que les logiques des hommes sont égales et équivalentes, hein? Cheikh dit, les logiques sont divergentes, hein? Et elles ne sont pas égales. Est-ce qu'il y a une logique que lorsque quelqu'un dit par exemple, ça c'est la logique, qu'il n'y a personne qui sur la terre va contredire ça ou va pas être d'accord avec cette prétention que cette chose elle est logique? Et la preuve de ça, c'est que la logique des Jahmiyyah, elle est contraire à la logique des Mu'tazila. Et la logique des Asha'ira, elle est contraire à la logique des Mu'tazila et des Jahmiyyah. Chacun d'entre eux prétend appeler à la logique. Pourtant, ils sont tous en contradiction les uns avec les autres. C'est la preuve que la logique, ce n'est pas une seule chose. C'est plusieurs choses différentes. Hein? Et que chacun peut avoir sa propre logique. Hein? Il n'y a pas une logique absolue qui est vraie et qui a raison sur toutes les autres. La preuve, ils sont tous en divergence et ils prétendent tous que ce qu'ils suivent, c'est ça qui est la logique. Hein? Donc c'est ça qui est important de comprendre. Et déjà à la base, quand on dit que quelque chose est logique, c'est toujours par rapport à, en principe, c'est toujours par rapport à une prémisse que tu as établie à l'avance. Et une fois que tu as établi tes prémisses et tes bases, là, sur ces bases-là, tu vas établir qu'est-ce qui est logique ou non par la suite. Mais étant donné que ces gens-là, en général, ils ont tous des bases différentes et des principes différents et des fondements différents, c'est normal que par la suite, ils ramènent tous des choses qui, chacun va prétendre que c'est la logique qui le dit, alors qu'en réalité, c'est pas ça. C'est pas vrai. Hein? Et c'est pour ça que les koufars, à chaque fois, ils disent quelque chose, ils disent ça, c'est la logique. La science a prouvé ça. Et l'année d'après, ils font une autre étude qui prouve que la science a affirmé le contraire. Hein? Et ils supportent un programme ou une idée. Et puis, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, 50 ans plus tard, ils ramènent un autre programme, ils disent, mais le premier, il était faux. Maintenant, on a trouvé une autre étude qui prouve le contraire. Hein? Donc, ça, c'est un exemple. Après, le cheikh, il dit donc que, c'est pour dire, vers quelle logique? Vous dites, on doit retourner à la logique. Quelle logique? Est-ce que toutes les logiques sont égales? Est-ce que toutes les logiques sont pareilles? Les logiques sont divergentes. Les logiques sont pas stables. Hein? Et c'est pour ça que tu trouves que ces gens-là sont toujours en divergence entre eux. Ils sont toujours en train de se contredire. Ils sont jamais unis entre eux. Pourquoi? Parce que celui-là, il nie quelque chose et l'autre, il l'affirme. Et celui-là, il déclare un égaré et l'autre, il le déclare kafir et ça, il le déclare fasir et ainsi de suite. Il dit ça, c'est kufr, ça, c'est shirk, ça, c'est égarement. Et ils se basent tous sur la logique. Ils prétendent tous suivre la logique. Pourquoi? Parce que les raisons des êtres humains ne sont pas toutes égales et elles sont en divergence les unes avec les autres. Elles ne sont pas toutes pareilles. Il y en a qui sont limitées et en particulier elles sont toutes limitées par rapport à qu'est-ce qui a rapport avec le raïd et qu'est-ce qui a rapport avec le passé et l'avenir et les choses du raïd. Elles ne peuvent pas arriver à une parole tranchante et certaine dans ces questions-là en se basant uniquement sur la logique. Hein, parce que leur raison, elle est limitée, elle est divergente. Et non. Donc, on va finir ici. Et non. Donc, on va s'arrêter ici pour ce point-là. On va lire ce point puis on va s'arrêter par la suite. Il dit: وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتتخذوا الهدى منه ولكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. Donc là, c'est comme s'ils sont en train de dire qu'est-ce qui est voulu des êtres humains, en fait, selon leur compréhension à eux. Cheikh l'Islam est en train de dire c'est quoi leur discours, en fait, c'est quoi qu'ils disent aux gens, en fait. Et donc, c'est ça qu'il clarifie. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il le coupe parce qu'il est en train de faire des commentaires entre chaque point. Et là, il a clarifier ce dernier point-là par la suite, mais c'est pour dire qu'en réalité, c'est un seul discours. nous on s'arrête en chaque point juste pour lire les explications, qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan a dit, pour clarifier qu'est-ce que Cheikh Al-Islam est en train d'expliquer. Donc ici il dit que il continue qu'est-ce qu'il disait par rapport à qu'est-ce que c'est leur discours. Il dit donc c'est comme s'il disait à propos de leur voix à eux, c'est comme s'il disait aux gens, ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna, et que c'est en contradiction avec votre logique et vos analogies, et qu'est-ce que votre logique a compris, hein, ou bien qu'est-ce qui est affirmé dans le Coran et dans la Sunna de ce que votre logique ne peut pas comprendre, n'arrive pas à connaître, il y en est selon la voix de la plupart d'entre eux, alors sachez que c'est pour vous tester que je l'ai fait révéler. Je l'ai uniquement révélé sur vous pour vous tester et vous mettre à l'épreuve. Et pour que vous preniez votre... Et non pas pour que vous preniez votre guidance de cela. C'est-à-dire, je vous ai révélé ces choses-là dans la révélation pour vous tester, pour voir qu'est-ce que vous allez faire. Et pas pour que vous preniez la guidance de qu'est-ce que j'ai révélé dans la révélation à ce sujet-là, mais pour que vous fassiez des efforts pour essayer de sortir des formes singulières de langage et des formes sauvages de termes et des paroles étranges pour essayer de déformer le sens de ces choses-là pour lui donner un autre sens, comme le font les gens de Ta'wil, hein. Ou bien que vous vous taisiez à son sujet en renvoyant la connaissance de ces termes-là ou de ces mots-là à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le font les gens de Tafwid, hein, les Mufawwida, hein, les gens qui disent on ne sait pas ce que ça veut dire, les lettres, les textes du Coran, yani c'est comme du chinois pour nous, on ne connaît pas ces mots-là, hein, tout en niant ce que ces textes-là indiquent comme attribut et en disant, hein, donc on ne sait pas ce que ça veut dire, hein, mais qu'est-ce qui est dit dans les textes, c'est pas ça que ça signifie. On nie qu'est-ce que ça indique et qu'est-ce que ça prouve. Donc ça c'est la réalité de la parole de ces gens-là parmi les gens de Kalam. C'est ça qu'ils disent en réalité. Tout ce qu'on vient de lire là depuis le début, c'est ça leur discours. Et le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan il dit wahada يلزم على قولهم أن الله سبحانه وتعالى يقول إنما أنزلت القرآن لأمتحنكم بتخريج هذه النصوص على عقولكم من الذي يصيب ومن الذي يخطئ فكأن القرآن امتحان وليس هدى وهذا يلزم على قولهم في حق الله سبحانه وتعالى أنه أنزل الكتاب ليمتحنهم فقط من الذي يعرف الحق بعقله ومن الذي لا يعرفه فهذا يجب عليه التوقف والتفويض مع اعتقاد أنه لا يدل على معرفة الله ويفسرون القرآن بالغرائب ويحملونه على المحامل البعيدة وعلى وحشي اللغة المجهور ويأتي بوجوه بعيدة يفسرون بها القرآن حتى يتوصلوا بزعمهم إلى مراد الله هذا معناه التعجيز والتضليل للناس والله سبحانه وتعالى رحيم بعباده رؤوف بعباده يعلم ضعفهم ويعلم قصور أفهامهم ولذلك لم يكلهم إلى عقولهم وإنما أمرهم باتباع الوحي نعم ومن كان يعلم من الوحي علما صحيحا ومن كان يعلم من الوحي علما صحيحا فليأخذ به ومن كان لا يعلم فليسأل أهل العلم ولا يتخبط في أمر لا يحسنه. Donc le cheikh il dit selon ce que ces gens-là disent, ça implique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit je vous ai seulement révélé le Coran pour vous tester et pour que vous faisiez sortir ces textes-là selon votre logique pour voir c'est qui va avoir la la bonne interprétation ou la bonne compréhension ou celui qui va faire l'erreur. Hein? Comme si le Coran était un test ou un examen. Hein? C'était pas une guidance. Comme si c'était pas une guidance, c'est juste un test ou un examen. Et selon ce que ces gens-là sont en train de dire à propos d'Allah, c'est comme s'il avait fait descendre le Coran pour les tester, pour dire, par exemple, c'est qui est-ce qui va être capable de le comprendre avec sa raison et de connaître sa signification avec sa logique de celui qui ne sera pas capable de le faire ou qui ne va pas le connaître. Et yani, ils disent que ça, dans ce cas-là, ils disent donc celui qui n'est pas capable de le connaître, lui, il faut qu'il s'arrête et qu'il ramène la connaissance de ces textes à Allah, tout en croyant que ce qui est indiqué dans les textes, ce n'est pas ça que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, et c'est pas Allah, hein, c'est pas ça la connaissance d'Allah. Et ils interprètent le Coran avec des choses étranges, et ils essaient de ramener l'interprétation des versets avec des interprétations très loin et des termes, yani, des interprétations de la langue et des définitions des mots qui sont, yani, qui n'existent pas ou bien qui sont pas employées, des choses qui sont loin. Hein, ils ramènent des choses de loin pour essayer de justifier leurs fausses interprétations, des choses de ce genre. Donc, yani, c'est comme ça qu'ils interprètent le Coran pour arriver à ce qu'ils prétendent être ce que Allah a voulu dire. Et c'est ça ce que, et tout ça, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que, comme, en fait, c'est comme s'ils auraient voulu dire que Allah veut égarer les gens, hein, et veut montrer l'incapacité des gens. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux envers ses serviteurs, hein, il est compatissant envers ses serviteurs, et il connaît leurs faiblesses, et il connaît la limite de leur compréhension. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas yani, laissés à leur logique pour essayer de le connaître. Il leur a ordonné uniquement de suivre la révélation et ce qui est connu. Celui qui connaît une révélation d'Allah, il a une science correcte. Alors dans ce cas-là, qu'il prenne cette science-là. Celui qui n'a pas de science, eh bien qu'il demande aux hommes de science et qu'il pose la question. Mais qu'il ne commence pas à patauger dans des choses qu'il ne maîtrise pas et qu'il ne connaît pas bien. Le cheikh il dit والآن في وقتنا ظهرت الأفكار الغريبة حرية الرأي كما يقولون الرأي والرأي الآخر يعني كأن ما عندنا وحي لا عندنا شرع وإنما هي آراء وهذا رأي وهذا رأيك أنت لا تحجر علي وأنا لا أحجر عليك كل يتبع رأيه هذا هو الضلال والعياذ بالله أنا وأنت وفلان نرجع إلى كتاب الله ونعرض رأيي ورأيك ورأي فلان على كتاب الله فما شهد له الوحي فهو الصحيح وما خالف الوحي فهو الباطل يجب الرجوع عنه قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Le cheikh il dit, et à notre époque, maintenant, à notre époque, il y a des idées étranges qui sont apparues, comme la liberté d'opinion. Il dit, ces gens-là, ils disent, ah, il faut respecter l'opinion de l'un et l'opinion de l'autre. Hein? C'est comme si yani, comme s'il n'y avait pas de révélation qui avait été révélée par Allah, comme si on n'avait pas de révélation d'Allah ou de législation, mais que tout était des opinions. Donc un tel dit, mais ça c'est son opinion, et ça c'est mon opinion, et ça c'est l'opinion de l'autre. N'essaie pas de limiter mon opinion, ou de me forcer à prendre une opinion quelconque. Et moi, je te force pas à prendre mon opinion. Et toi, tu me forces pas à prendre ton opinion. Chacun suit son propre opinion. Cheikh, il dit ça, c'est de l'égarement. Wal'iyadu billah. Hein? Il dit, moi, toi et un tel, on revient tous au livre d'Allah et on place nos opinions, mon opinion, ton opinion et son opinion. On le place tous devant le livre d'Allah et ce qui est supporté par qu'est-ce qui est témoigné par le texte, hein, qu'est-ce qui est supporté par qu'est-ce qui est mentionné dans le texte, c'est ça la vérité. Et c'est ça qu'on doit suivre. Hein? Mais qu'est-ce qui contredit la révélation? Eh bien, c'est le faux. Hein? Et c'est obligatoire c'est obligatoire pour nous de revenir à cette vérité-là qui est dans le Coran et dans la Sunna. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 59, dans Sourate An-Nisa, il dit: et si vous divergez en quoi que ce soit, alors ramenez-le à Allah et à son messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera meilleur et d'une meilleure conclusion. Ah oui, parce que ça, c'est les nouvelles idées qui viennent, en fait, des koufars, en fait, de l'Occident. Et ces idées-là, maintenant, commencent à rentrer chez les musulmans, dans les pays musulmans, avec les médias et autres. Et donc, ils font des émissions comme ça. Et là, ils demandent l'opinion des gens. Les gens appellent, téléphonent, et ils disent: moi, je pense ça, moi, je pense ça. Et ils leur font parler sur des sujets et des questions. Hein, et des fois, il y en a, c'est des questions sur lesquelles il y a des preuves du Coran et de la Sunna, mais malgré tout, il y en a, c'est comme si c'était pas important qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Qu'est-ce qui est important, c'est juste l'opinion de X ou de Y. Donc, qu'est-ce que tu penses, toi? Ah, moi, je pense ça, ça, c'est mon opinion. Et l'autre, ah, mais lui, ça c'est son opinion. Et là, il arrive un savant de l'islam, avec les preuves du Coran et de la Sunna, qui vient clarifier l'affaire, et qui vient prouver qu'est-ce qui est la vérité dans cette question-là. Et l'autre, il répond, il dit: oui, mais ça, c'est ton opinion. Moi, j'ai mon opinion là-dessus. Ajib. Yani, subhanallah. Yani, on te ramène les preuves du Coran et de la Sunna sur quelque chose. Toi, tu dis: ça, c'est pas mon opinion. C'est pas mon opinion. Moi, j'ai mon opinion. Donc, c'est comme si on n'avait pas de révélation. C'est comme si on n'avait pas de religion. Hein? A'udhu billah. Donc, c'est la même chose sur les manifestations, sur les coups d'État, sur les renversements, sur la démocratie, sur les votes, sur les droits, les libertés d'expression, liberté de croyance, l'égalité de l'homme-femme. Il y en a toutes ces questions-là. Il y a des gens aujourd'hui, parmi les musulmans, hein, ils parlent de ces choses-là, puis ils disent: non, ça c'est des opinions. Alors qu'il y a des textes clairs du Coran et de la Sunna qui parlent de ces choses-là, et qui clarifient des choses à ce sujet-là. Donc il n'y a plus de place pour l'opinion ici. Maintenant, tu dois te soumettre à Allah et qu'est-ce que Allah a révélé. Et c'est tout. Hein? Donc, le cheikh, il dit: خير لكم من التخبط وأحسن مآلا عاقبة لكم لأن الوحي معصوم من الله أما آراؤكم وأفكاركم فليست معصومة بل هي عرضة للخطأ والنقص. Donc le cheikh, il dit, c'est une meilleure conclusion pour vous, meilleure interprétation pour vous, c'est-à-dire c'est mieux pour vous que de aller tomber dans le fait de patauger dans vos divergences, et une meilleure conclusion pour vous. Pourquoi? Parce que c'est une révélation qui vient d'Allah, et la révélation d'Allah, eh bien, elle est protégée de l'erreur. Tandis que vos opinions et vos pensées, elles ne sont pas protégées de l'erreur. Et donc, elles peuvent être sujettes à l'erreur et يعني, à la défaillance et des choses de ce genre. Le cheikh dit: ويقول هؤلاء العقلانيون ما أعجزكم تفسيره ولو بالوحي البعيد والغريب فتوقفوا فيه ولكن اعتقدوا أن ظاهره غير مراد وإنما المقصود منه لا يعلمه إلا الله هذه طريقة المفوضة ومعناه أن الله أنزل علينا أحاجي وألغازا لا نعلمها والله أنزل الكتاب هدى للناس ما أنزله للأحاجي والألغاز ونعم قد يخفى على بعض الناس معنى النصوص ولكن هؤلاء يرجعون إلى أهل العلم والبصيرة وأعلم الناس بالقرآن والسنة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هم الصحابة والتابعون والقرون المفضلة فيرجع إلى كلامهم وتفسيرهم. Donc le cheikh, il dit, et ces rationalistes, hein, ces gens de kalam, parmi les rationalistes, ils disent: ce que vous êtes incapable d'interpréter, même avec des interprétations très loin et très très très éloignées, très difficiles, très rares, eh bien, dans ce cas-là, abstenez-vous de parler sur ça, retenez-vous, hein, et vous le niez, vous n'allez pas l'affirmer, mais vous n'allez pas le nier. Vous restez neutre. Et vous dites qu'il faut croire que son sens apparent n'est pas voulu. Il faut croire que son sens apparent des attributs et des textes, n'est pas voulu. Mais qu'est-ce qui est voulu dans ces textes-là? C'est uniquement Allah qui le sait. Ça, c'est la voix des Mufawwida, la voix de Hassan al-Banna, hein, le fondateur des frères musulmans. C'est la voix de, des Asha'ira et des Maturidiyya et des gens de Kalam. Beaucoup d'entre eux, ils emploient cette méthode-là. Quand ils ne peuvent pas faire le ta'wil, ils font le tafwir. Hein, et ils attribuent cette voix au salaf. Ils attribuent le tafwir au salaf et ils attribuent le ta'wil au khalaf. Hein, et ils prétendent que les khalaf sont meilleurs. Parce qu'ils utilisent leur logique, leur raison. Tandis que les salaf, ils disent non, on ne sait pas, c'est juste Allah qui sait. Alors que les deux sont la position des khalaf et les deux sont des positions des garments. Hein? Donc, le cheikh, il explique, il dit que, qu'est-ce qu'ils disent, ça signifie quoi? Leur parole, ça signifie que pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des révélations, des termes mystérieux, secrets, que personne ne peut comprendre, des choses mystiques. Hein? Et il n'a pas fait descendre le livre pour que les gens le comprennent, pour que les gens soient guidés. Hein? Alors que Allah nous explique et nous mentionne dans le Coran qu'il a fait descendre le livre pour que ce soit une guidance pour les hommes. Pas pour que ce soit des codes mystiques ou des termes secrets que personne ne peut comprendre. Ou des mots dans une langue étrange. Donc, il dit le cheikh, oui c'est possible que certaines parties des textes soient échappent à certaines personnes. Que certaines personnes n'aient pas la connaissance de certains textes. Mais ces gens-là doivent revenir aux hommes de science, aux hommes de compréhension. Hein? Et les gens les plus savants du Coran et de la Sunna, après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ce sont les sahaba et les tabi'un et les siècles préférés, les trois premières générations. Donc, on doit retourner à leurs paroles et à leurs interprétations. Et il dit, وَهُوَ الطَّرِيقُ الصَّوَابُ طَرِيقُ الْحَقُ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان اتبعوهم بالقول والعمل والأخلاق والسمت رضي الله عنهم ورضوا عنه حازوا على الرضا على رضا الله سبحانه وتعالى وهذا هو المقصود. أي نعم. Donc le cheikh il dit non, c'est ça la voie correcte à suivre. La voie de ceux qui ont précédé dans la foi parmi les muhajirin et les ansar et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, comme dans le verset 100 dans surat Tawbah. Ceux qui les ont suivis de la meilleure façon dans leurs paroles, dans leurs actions, dans leurs comportements et dans leur manière. Hein? Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Donc ils ont obtenu la satisfaction d'Allah. Et c'est ça qui est, hein, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut obtenir. Hein. Et, le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, وهذا الكلام قد رأيته صرح به أو صرح بمعناه طائفة منهم. Donc il dit, cette parole que j'ai mentionnée à leur sujet qui exprime, c'est quoi leur point de vue par rapport au nom et aux attributs d'Allah et comment les gens devraient revenir à la parole d'Allah selon eux, eh bien je l'ai vu dans son sens clairement mentionné dans un groupe d'entre eux. Chez un groupe d'entre eux. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit, « يقول الشيخ الذي يقولون إن القرآن لا يدل على الحق صرح به طائفة منهم. » Donc il dit, le cheikh, que qu'est-ce que dit Ibn Taymiyyah ici? Que ceux qui disent que le Coran n'indique pas la vérité, hein, eh bien certains d'entre eux l'ont dit explicitement. Hatta inna wahidan min akabirihim yaqul كتاب التوحيد لابن خزيمة ما جاء بالتوحيد إنما جاء بالشرك. Donc, même qu'un d'entre les grands d'entre ces gens de Kalam, il l'a dit, il dit dans un de ses livres que le livre de Kitab al-Tawhid de l'imam Ibn Khuzayma, il dit qu'il n'est pas venu avec le Tawhid, il est venu avec le Shirk. Et ça, c'est le livre de Ar-Razi. Il le dit dans son tafsir. Hein? Ar-Razi fait partie des gens de Kalam. Hein? Il dit dans son tafsir de Surat Shura, Laysa kamithlihi shay. Il dit à cet endroit-là que le livre de l'imam Ibn Khuzayma, il n'est pas venu avec le tawhid, il est venu avec le shirk. Cheikh Al-Fawzan, il dit, لماذا جاء بالشرك عنده؟ لأنه يثبت الأسماء والصفات، وهذه موجودة في الخلق، فإثباتها شرك بزعمهم، أو يقولون إن إثبات الأسماء والصفات يقتضي أنها مشاركة لله في القدم والأولوية والأزلية، فيلزم تعدد القدماء، فيكون هذا فيه شرك عندهم. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit pourquoi c'est shirk? Parce que s'il dit que qu'est-ce qui est dans le livre de Ibn Khuzaymah c'est shirk, c'est grave, parce que c'est même qu'est-ce qui est dans le livre de Ibn Khuzaymah c'est qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Ça veut dire que pour lui qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna c'est du shirk. Hein? Et pourquoi il dit que c'est du shirk pour lui? Parce que dans le livre de l'imam Ibn Khuzaymah, Kitab al-Tawhid, il y a l'affirmation des noms et des attributs. Et ces noms et ces attributs-là sont présents dans la création. Certains de ces noms et de ces attributs sont présents dans la création. Donc pour eux, de les affirmer, ça veut dire de faire le shirk, d'associer avec Allah dans ces noms et dans ces attributs-là. Ou bien ils disent que d'affirmer les noms et les attributs, ça implique de partager, de faire partager Allah ses noms et ses attributs avec la création. Dans le fait d'être, ou bien de dire que, ça voudrait dire qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala, il y a plusieurs éternels. Hein? Puisque, ils prétendent que l'affirmer des attributs à Allah, ça implique de lui donner de lui affirmer d'autres choses qui sont éternelles avec lui, éternellement. Et comme s'il y avait plusieurs dieux, en fait. C'est tout ça à cause du fait qu'ils regardent les choses selon la philosophie grecque et selon la compréhension des paroles des philosophes. Ils essaient de comprendre Allah subhanahu wa ta'ala de cette façon-là. Donc pour eux, c'est pour ça qu'ils disent que d'affirmer les attributs, c'est du shirk. Allah al-musta'an. Donc on va s'arrêter ici aujourd'hui et on continuera la semaine prochaine le cours à partir de l'endroit où on s'est arrêté aujourd'hui, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.